si on parle, parce que, voilà, parlons, 20h, 1 minute et 22 secondes, peut-être même plus. Il n'y a aucune horloge qui donne la même heure ici. C'est pas possible. À part l'heure de le mettre. Ouais, c'est vraiment une radio pirate. Hein. Ouais. Vous êtes sur Campus 106,6 DAB plus 7C et campuslille.com, mon cher Jamo, qui n'en perd pas une miette. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ouais. Il y a aussi, c'est Lio. Salut. Bonjour. Et Thibaut. Et bonjour. Avec sa grosse voix. Bah ouais. Askib. On a tous plein de choses à passer ce soir et puis des choses à annoncer aussi. Enfin, parce qu'il va y avoir des concerts et puis d'autres rendez-vous totalement réjouissants, n'est-ce pas? Festivités réjouissantes. Ouais. Et puis, par contre, un truc que j'ai pas pu passer la semaine dernière alors que j'aurais dû, vu que ce groupe passait hier soir à la Griffe, c'est Loupen. Oui, Loupen, mais oui. Ouais, et que moi, j'ai loupé Loupen. Moi aussi, j'aurais dû. Je voulais y aller, puis en fait, j'ai pas pu parce que j'avais des problèmes d'informatique, donc j'ai le devoir en tout. Et donc, j'ai résolu mes problèmes d'informatique. Ah ouais. Voilà, vous savez tout. Et donc, puisque c'est ainsi, je vais passer un petit titre de Loupen que j'avais prévu de passer la semaine dernière quand on avait invité les gens du Ratrock. C'était bien le Ratrock. Varrockers, excellent. Hein. À Skip, c'est très inégal. Hein. Des fois, c'est bon, mais là, c'était excellent. Ça marche. Voilà, et puis les autres aussi. Bref, Kids. Putain, la patate, les mecs, ils ont 70 berges, tu sais, ils donnent une leçon à tout le monde. Bref, c'était le Ratrock, la semaine prochaine. Ça m'énerve merveilleux, t'as des étoiles dans les yeux, Steph. Ouais. Pourtant, j'y suis allé qu'à la fin, quoi. J'ai raté tous les groupes, même Bisounours Fucker. Par contre, j'ai été dire bonjour après à Ashton. Bon, voici donc Loupen qui sont passés hier à la Griffe, donc vous ne pourrez pas les voir, vu que, enfin, sauf si vous avez une DeLorean trafiquée. Voici Loupen avec Libertades Violentadas. La détente, rien de tel, hein, sur Pyongyang City Rockers. N'est-ce pas, Céline ? Numéro 406. Ah oui, 406, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Merci, madame. De rien. J'ai noté. Moi, je vais vous passer un groupe de punk hardcore qui vient de Recklinghausen, en Allemagne. Ça s'appelle Hunger Boys. Leur texte parle du sentiment de panique et d'impuissance par rapport à des sujets comme le fascisme, le capitalisme et aussi la crise climatique. Pour changer. Je comprends pas, il faut juste mettre en place des colonnes infernales et puis tuer tout le monde. Enfin, tous ceux qui font chier, quoi. Non ouais. Explique ça aux gens qui font chier et qui nous dirigent, et peut-être que ça marche. Ah non, faut pas leur expliquer, faut juste les mettre devant le fait accompli. Guillotine. Tchouk. Et voilà. J'ai choisi de passer le morceau Isolated Incident qui vient de l'EP Against the Wall qui est sorti en 2023 chez Real Rec. On écoute ça tout de suite. Mmh. Waouh, waouh, waouh. Ça fait carrément cette affaire. C'est bien. Ah, ouais, ouais, dis donc. Ouais, trop bien. À le fond. Je commence à un peu avoir la dalle. Est-ce que vous avez aimé la moussaka, cher grand leader? La moussaka. On sait déjà de quoi tu vas parler. C'est, ça. Bon, c'est une introduction pleine de maestria, n'est-ce pas? Donc un projet vegan, espagnol de... Ah ouais, les... Alors, la moussaka, normalement, il y a du bœuf, faut enlever ouais, ça, mettre ça. Des champignons, c'est bien. Non, mais sinon, tu mets du soja, du truc, enfin voilà, du sétan. Du sétan? Ouais. Ouais. Eh bien, j'essaierai, écoute. Je vous en parlerai, je ramènerai ça la semaine prochaine, tiens. Cool. Du coup, ce que je vous propose, bah, c'est bien de la moussaka vegan musicale. Projet espagnol de raw punk électro expérimental Black Aubergine. Raw punk, c'est parce qu'en fait la moussaka on la mange avec de la bière en accompagnement. La cantero, ouais, la cantero. Raw punk. Donc Black Aubergine sort en 2022 son unique démo finalement, ce qu'il n'y a pas eu de sortie après. Sur l'excellent label barcelonais du genre, donc Discos Enfermos. D'ailleurs, Lupin, ouais. Ils sont également dessus. Et il y a, voilà, bah, n'hésitez pas à aller voir ce label, il y a quand même des grosses pépites. Et donc, cette démo est un 6 titres qui nous fait voyager dans ce mélange très surprenant. Par moments, ça tire même vers le death metal, un titre limite monoïste, hein, du groupe japonais Mono. Wow. Aérien, tu vois comment? Aérien. Et voilà. Des choses à la frontière c'est comme de la techno. Ça doit être aérien, sinon. Ah, ben ça, sinon, c'est après, sinon, ça. Ouais, ouais. Quelques heures plus tard. Donc, il y a très peu de paroles, un son puissant, et le titre que j'ai sélectionné est plutôt aguicheur, un petit peu en réponse au titre que tu as mis juste avant, Célia. Le titre s'appelle Support Your Local Terrorist Against the State. Ah, bravo. Black Aubergine, Moussaka City Records. Radio Kampucha, c'est parti. Je veux le dire à Trump, attention. We are right now. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros mélange? Une moussaka. Mais ça marche, hein, c'est bien. Ça défonce la aubergine. Oui. Ah, là, ça va partir encore plus en mer. Toi, t'as du trèfle plutôt? Non, là, on va rester en France. En fait. Bon, bah d'accord. Comme à Montreuil. Ah. Cool. Ouais, un narvalo de Montreuil. Ouais. Alors, souffrance. Ouais. T'as des références, Swift-Gad. Toi Swift-Gad, ah oh. Ouais, pas loin. Avec Paco. Et c'est Matraque et LBD, c'est pour parler des sujets... d'actualité, enfin peut-être, ouais, on sait pas. Ouais, bientôt le... Il y a des blocages cette semaine? Ah bah écoute, apparemment, on a eu un juste là, Thiamo vient de bloquer Radio Campus. Ben voilà. Voilà. Trop bien. Donc ben, on va écouter Matraque et LBD, ça parle de la Matraque... Et du LBD. Bravo, d'où le titre. En avant, Swift-Gad. Je suis cette matraque noire. Yeah. Je laisse des bleus, des hématomes et puis je retourne à ma place. Sur ta tête je fais des percussions mais c'est pas des maracas. Je ne suis pas cette bouteille que le condé a bu coulument. Je suis cette matraque noire qui a bien connu le goût du sang. Pour que je fasse guerre et paix, mon constructeur m'a garanti. S'il faut taper les femmes d'abord, je connais la galanterie. Je fais que de la rhétorique parce qu'on sait bien que le game est mort. Je suis télescopique et sur ta gueule je me téléporte. Grâce au gilet pare-balles, mon proprio est bulletproof. Y'a rien à voir donc poussez-vous, je vais vous rouer de coups. Je suis là pour punir tous ceux qu'on fait un paquet de fautes. Demande à Théo, je te frotte le boule, je te claque les côtes. J'ai traversé de trois traquenards, je suis cette matraque noire. Le voleur m'a dit dans les yeux, si tu le peux, attrape-moi. Je me suis posé sur toutes ces bêtes qu'on mène à l'abattoir. Même le LBD me répète que moi je suis v'là le bâtard. On est enragé, armé, équipé lourdement. On est engagé, gradé, à éviter pour de bon. En ligne, aveuglé, sourd, du gaz dans les naseaux. Raouh, raouh. Lancer l'assaut, on est enragé, armé, équipé lourdement. On est engagé, gradé, à éviter pour de bon. En ligne, aveuglé, sourd, du gaz dans les naseaux. Raouh, raouh, on va lancer l'assaut. Avec l'école, et on rigole, on se bagarre, on picole. Si tu t'étales, on t'isole, au placard, on t'y colle. Tu avances et tu recules, ressens-tu ma rancune? Et ma grognasse qui me hurle, je sens que tu pars en burne. Le parfait bouclier, grenade dégoupillée. Je roupille bien, j'oublie vite le regard des ouvriers. Quoi, t'as passé des foulards, j'appelle ça l'exercice. C'est un vrai défouloir après des années de service. Mon chagrin dans le bourbon, je lâche des blagues et monte. Je me sens bien dans le fourgon quand l'adrénaline monte. On aime tellement taffer, quand ça presse on court bien. Chaque matin je prends le café, je caresse mon gourdin. J'ai calmé des bavards, je profite et je t'assure. J'ai cogné des ovaires, j'ai commis des bavures. Les CRS et la meute, on n'a pas le temps à brèche. On espère une émeute comme un gosse attend la neige. On est enragé, armé, équipé lourdement. On est engagé, gradé, à éviter pour de bon. En ligne, aveuglé, sourd, du gaz dans les naseaux. Raouh, raouh, on va lancer l'assaut. On est enragé, armé, équipé lourdement. On est engagé, gradé, à éviter pour de bon. En ligne, aveuglé, sourd, du gaz dans les naseaux. Raouh, raouh, on va lancer l'assaut. La triste réalité de la matraque et du LBD à câble. Ouais, d'ailleurs, ouais, quand on participe à un blocage, des fois, on voit arriver les gros vilains en premier, quoi. Enfin, tu vois arriver les flics, et en fait, ceux qui mettent devant, c'est les autres, comment ils s'appellent ceux qui tapent sans discrimination. Non, ceux qui tapent sans discrimination. Là, les baqueux. Les baqueux. Tu vois arriver les baqueux. Et les mecs, en plus, avec vraiment le regard. Le seul regard qu'ils ont, d'ailleurs, c'est leur regard méchant. Ouais. Il y en a un moment, il était obligé de répondre à quelqu'un qui lui posait une question. Ouais. Enfin, ou qui essayait de discuter. Bon, on va pas partir tout de suite. Et le mec, on voyait qu'il se forçait à répondre parce qu'on voyait qu'il avait envie de taper, quoi. Franchement, ça se voyait sur sa gueule. Hein, c'est pas possible, quoi. Bon, finalement, on est parti sans faire d'histoire. Hein, c'est-à-dire que quand on est trois fois moins nombreux que les keufs qui arrivent, voilà. Bref, il y a The Curves maintenant, groupe formé en 2018 à Lille. Ils ont fait un paquet de concerts, dont une première partie de Cemented Minds au CCL en 2019, organisée par Anticor Acouphène Radio Show. Et Jbouctrou, vous connaissez Jbouctrou ? Ah bah ouais, voilà. Et puis là, paf, 2020, le Covid leur fait mordre la poussière, comme à nous tous. Donc ils ont eu ensuite quelques aventures musicales individuelles. Ils reviennent maintenant en 2025 avec un nouveau bassiste. Vous pouvez les guetter si vous appréciez le post-punk élégant et dansant, n'est-ce pas ? Ils tournent par-ci par-là dans les rades malfamées de la métropole nord. Oh. Enfin, à Lille, quoi. bah ouais, donc voici The Curves avec Under Control, disponible également sur leur Bandcamp de Curves. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 406 à l'antenne de Campus 666. N'importe quoi. Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h alors que s'avance vers vous Célia. Moi je vais vous parler de Homefront. On a déjà parlé ici. Oui. C'est pas tout nouveau comme groupe, mais en fait ils vont sortir un album au mois de novembre. Et du coup, pour nous faire patienter sur leur site Bandcamp, il y a déjà un morceau qu'on peut écouter. Ouais. L'album, il va s'appeler Watch It Die. Ça va sortir sur le label La Vida et tout, Es Un Mousse, le 14 novembre exactement. Ça, ça va encore coûter un bras ? Sûrement. En tout cas, on espère qu'ils vont retourner dans le coin parce que c'est quand même cool. Ouais. Et le morceau disponible, il s'appelle Light Sleeper. Ouais. Et on l'écoute tout de suite. Connaît quand même bien leur style. Oui, ouais. Mais c'est un peu moins énervé que certains titres c'est anciens. Vrai. Mais comme tu disais, c'est peut-être uniquement celui-là. Hein. Les c'est autres ça, on verra, ça sort le 14 novembre. Bravo. On prend de l'avance. Alors, ce samedi de 14h à 23h, il se passe un truc rue Barthélemy-des-Paul. Spoiler alerte, c'est un moment un peu auto-promo quand même, parce que j'y joue avec mon groupe. Mais j'avais envie de parler de cet événement organisé par aussi. Les copains. Ah bah, je vais le dire après. D'accord. Là, faut garder un peu de suspense. Okay, alors, Queer Save the Punk, journée consacrée à la culture queer, punk et alternative lilloise. Et d'ailleurs, ça se passe à la Brat Cave, 113 rue Barthélemy de l'Épaule à Lille. Donc ça commence déjà l'après-midi, donc de 14h à 18h, il y a un marché de créateurs, print, fringues, upcycling, tatou. Et à partir de 20h, un drag show organisé du coup par Pepet Boy et hosté avec Sean Crematoria, qui est une artiste drag un peu connue dans l'île. Voilà, là il y a beaucoup de d'artistes drag qui, comme Pepe de Boy, qui, voilà, qui commencent, qui ont une année d'existence, voilà, mais qui sont sur la création du coup, voilà, d'un collectif pour faire des drag shows. Avec des invités, donc Lilith IRL, L'Étoile du Berger et Fuzz. Et il y aura un groupe qui sera du coup Violence Banalisée le soir. Oh ouais. Dis donc. Et voilà, ça va être la grosse stuff là-dedans en prévision. Le prix est libre. Accès PMR, évidemment. Le marché des créateuristes, entrée libre. Ouais, c'est, donc le marché, c'est à partir de 14h et concert à partir de 20h, 20h30. Entrée libre, ouais. Si c'est à la Brat Cave, il faut quand même adhérer à la Brat, non ? Mais bien vu, bien vu. C'est 1€, oui, voilà, mais il y a quand même l'adhésion, si vous ne l'avez pas encore déjà fait cette année, c'est 1€, mais quand même. Ne soyons pas chiches. N'oubliez pas votre carte que vous avez peut-être chez vous également. Ouais, c'est comme quand il va au pizzo à la Malterie. Quoi. Parce que, ah, quoi que si, ils prennent la... Bah, peut-être pas le marché de créateurisme, mais... Je pense que pour boire sur place, ils prennent la carte. Ouais, mais... pour boire sur place, ils prennent la carte. Il faut prendre du cash, mais après, il y a des distributeurs pas loin. On a des vrais problèmes de riches, nous. Hein, tu sais. Les chèques, je sais pas s'ils prennent. Mais vraiment. Je vais faire l'expérience au prochain coup. Bon, alors, du coup, avec, en lien avec cet événement Queer Save the Punk, du coup, j'ai choisi un titre voilà, qui a un lien évident avec ce propos. Et vous verrez samedi, si vous venez, je vous propose qu'on écoute du coup Joey Gluten, artiste français rennais, avec la reprise d'un groupe américain. Il est français ou rennais ? Français rennais, je sais pas, il sait pas trop, tu vois. Avec la reprise voilà, d'un groupe américain, Fiddler, ouais. Qui font une chanson qui s'appelle Ship Beer. Voilà, qui est un des titres très connus de ce groupe, mais repris en français, du coup, voilà, avec un chant français, tout ça. Du coup, le titre s'appelle en français « Bière pas chère », ce qui est, voilà, littéralement la traduction. C'est fou. Let's party, Stéphane. C'est go. Joe et Gluten, sur la zone de Radio Campus Lille. Son napalm et je sens mon dernier neurone qui part en vrille. Le seul truc que je sais du code civil, c'est que c'est toujours meilleur quand c'est illégal. Rendez-vous caf à 9h bon matin, mais au pire je vais y aller la vie dessus sur les mains. Alors merci papa pour les gènes d'addiction et merci le monde pour la dépression. Choix de la bière pas chère et alors quoi? Victoire. Choix de la bière pas chère et alors quoi? Toujours la même voix. Vous savez où vous allez samedi, mais où je vais demain. Et où vas-tu demain? Je sais pas. Bon, bah d'accord. Ça va barder, sur toi. Peut-être Jamo, il va quelque part. Ouais, peut-être je vais aller avec toi. D'accord. Ah ouais, let's go. Bon, on va passer dans le Derry, dans le nord de l'Irlande. C'est bien. Ouais. Avec Dirty Faces, c'est un groupe de deux d'un groupe punk. Enfin, punk, il y a aussi du hip-hop, du new wave gothique, post-punk, funk, punk, rock, rock. Sacré moussaka encore. Ouais. Ouais. Donc, deux working class qui racontent leurs histoires et de leur ville dans leurs chansons. Alors, ils sont de où, Derry? Derry, ouais. Londonderry, quoi. Londonderry. J'avais compris le Berry, moi, je me suis dit, tiens. Oh, Derry. Derry. Ah, Berry, c'est un peu beau. Le nord de l'Irlande. Donc, c'est ouais. No More Idols, Dirty Faces. Et alors, ouais, alors, les Irlandais disent Derry, mais les Anglais, ils ont rebaptisé la ville à leur mode. Ils appellent Londonderry, mais c'est le même bled. Donc, si okay. Tu dis Londonderry, c'est sûr que t'es un orange. Hein, c'est ça. T'es pas irish, peut-être. Voilà, c'était pas, t'es pas vert. T'es bref, vert, eux, ils sont Derry. Ouais. Youpi. C'est qui déjà? Dirty Faces. Oui. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. I think you will. Not a speck of light is showing, so the danger must be growing. Are the fires of hell a-glowing? Is the grisly reaper mowing? Yes! The danger must be growing, for the rowers keep on rowing, and they're certainly not showing any signs that they are faire ouais. Pas de fade out. Tout, pardon ? Il n'y a pas de fade out. Pas de fade out, non, mais on se fait avoir. Hein. Ouais. Pas de fade out non plus ce samedi. Toutes inversessantes, on se précipite au centre culturel Le Léquin, là juste à côté. Hein. C'est, franchement, j'ai regardé, t'es à peu près à 2 km de la station de métro 4 Cantons. Ouais. Tu vas jusqu'au bout de la ligne, puis après tu fais deux bornes et puis t'es au CC Léquin, centre culturel d'Annie Boone, d'ailleurs. Ouais. C'est pas le CCL, hein, attention. Mais non. Centre culturel de Léquin. Et pour voir qui? Pour voir nos amis tchèques de Oujmedoma. Ah. Voilà, et pour une fois qu'ils passent tout près de Lille, ouais non, ils sont déjà passés à Lille, mais il y a longtemps. Faut vraiment pas les rater. Je sais qu'il y a déjà pas mal de monde qui se prépare à arriver là-bas. Pour 11h11, vu que c'est l'heure à laquelle commencent les concerts, les showcases du samedi matin au Centre culturel de Léquin. Il y en a un tous les samedis. Mais là, bon, en général, c'est plutôt bon, pop rock, jazz, des fois. Là, Je me dis, bon, il y a un côté jazz, je me dis. et voilà. Ils disent, d'ailleurs, ils disent sur le site du centre culturel que les gens, il vaut mieux qu'ils arrivent un peu à l'avance parce qu'il n'y a pas de réservation et c'est dans la limite des places disponibles. Hein, donc, c'est un peu. C'est pas si grand que ça, on va dire. Et ils disent, bah, vous pouvez arriver vers 10h50. À mon avis. À mon humble avis, je serai là avant. Bref. voici donc... ouais, et franchement, c'est un truc... Si vous aimez bien la moussaka, mélange punk, psyché, jazz, bidule, vous y allez. Voici donc... Vendredi soir, on allait se coucher, n'oubliez pas où je vais demain. Bien, bravo. Et bien sûr, ces entrefaites, voici un vieux titre de Oujmedoma, mais ils n'ont pas changé, beaucoup changé de style. Hein. Voici donc Oujmedoma avec Strach. Voilà, hein. Wow. C'est un peu la chorale aussi, c'est ça que j'aime bien. Ah bah ouais. À côté. Ils ont commencé quand c'était encore la Tchécoslovaquie au temps des grandes heures, l'URSS et tout. Hein. Ils s'appelaient, à l'époque, le groupe s'appelait Fourth Prize Band, FPB. Je vais pas demain. Groupe de quatrième catégorie, c'est-à-dire la plus basse. Puis après, bah, ils ont arrêté de faire du punk et puis ils ont fait ça. D'accord, voilà. Ok, excellent. Youpi. Excellent. Donc bon, c'est des vieux aussi, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Je crois qu'ils avaient commencé en 85 ou 86. Ouais. J'étais même pas né. Ouais, bah, si tu veux, je te dis. Moi, bientôt, je serai plus né non plus. Hein, bon. Ouais. Célia, quand elle fait des blagues, pour, elle imite ma voix, comme ça, si ça passe pas. Vous êtes bien sur Campus 106,6, c'est Pyongyang Sea Rockers, numéro 406. Et moi, je vais vous passer un groupe de garage d'Anvers, c'est Mitraille. Ils viennent de sortir un nouvel EP qui s'appelle EP4. Ils ont sorti ça chez Belly Button Records. Comme ça parle des tournées et du temps qui passe sur la route. Ils vont d'ailleurs partir 2 semaines en tournée fin octobre. Ils vont passer par l'Espagne, le Portugal, la France et la Suisse. Ils font des trajets. Ils commencent leur tournée à Cap-Breton. Ils viennent d'Anvers. Chez d'où que Cap-Breton oh, c'est tout en bas, tout en bas, le côté basque, mais ouais, en France, ouais. Quoi. Donc, Osgore, tout ça. Ils vont faire plein de routes, quoi. T'aimes bien faire des bruits avec ta bouche hein. Ouais, c'est une malédiction. C'est une malédiction, ouais. D'accord. Ouais. Okay. C'est une maladie que j'ai attrapée à la faculté. C'est la mitraille. Bon, et du coup, les deux morceaux que j'ai choisi de passer, parce que c'est des morceaux qui durent pas très longtemps, c'est Road Rage et Fuck You, I'm Going on Tour. Bah voilà. De mitraille. À Cap-Breton. C'est envoyé ça les gars. Ah donc bah écoute, moi je vais rester dans la même veine. Et devinez quoi, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, bonne nouvelle. Tu fais tes propres recherches. Ouais, j'ai fait moi-même. Tu saches. Et je sache le faire. Et No Punks in Cape Town, donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une chaîne YouTube tenue par une certaine personne qui met voilà, plein de sorties, notamment françaises. Bon, il y a aussi plein de ricains et tout ça, machin. Et du coup, il avait arrêté. Et c'est quand même voilà, une chaîne qui publiait quand même beaucoup, tout ce qui est nouveauté, tout ça. Et du coup, apparemment, ça reprend, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais loupé des trucs. Je me suis dit, j'avais loupé ça, notamment le nouvel album de Clem Choice, groupe punk oi rock and roll. T'aurais écouté Pyongyang City Rockers Je l'aurais peut-être su. Bah ouais. mais souvent quand je peux pas venir, c'est je peux pas. Mais il faut que je rattrape. C'est vrai que je peux pas mes devoirs des fois. Il est sorti quand cet album d'ailleurs? Il est sorti au mois de juin dernier. Ouais, je crois qu'il avait passé. Hein, ouais. Et sorti chez UVPR Records, qu'on salue d'ailleurs. On avait croisé à Louis Pleur. Ou alors c'est peut-être moi qui l'avais passé d'ailleurs. Je me demande. Ouais. Putain. Oh là là. Bon bref, je vais aller boire une bière là. Je perds la mémoire. Donc ce 8 titres est chanté majoritairement en anglais. Il y a quand même 2 titres en français. La pochette est également très sympa. On pourrait dire que c'est un pied de nez à la pop culture. Donc on dira, je sais pas, du skinhead art ou plutôt pop art ou skinhead pop art, je sais pas. Tu vois, c'est genre, comme tu sais, les canettes, tu vois, ils prenaient, bon, Pop Art faisait beaucoup ça, ils prenaient tout de la pop culture, là, les canettes de Coca, puis ils faisaient des tableaux comme ça. Là, c'est ça. J'aime bien te voir ramer. J'aime pas, je t'explique. C'est vrai. Et tu vois, là, et puis là, là c'est comme, tu vois, la canette de Coca, elle est. Compressée. Ouais. Moi, bon, c'est pas une canette de Coca, c'est une canette de bière, je pense. Je vais pas aller vérifier, de toute façon, cela ne m'intéresse plus. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est aussi une influence glam. Je pense que les groupes glam à l'époque, ils faisaient pas mal ce genre de choses. Ah ouais. Donc c'est une influence glam. Ouais. Ok, on va apprendre tout le monde. Bref, le titre sélectionné est le morceau 6 pieds sous terre. Et j'en profite aussi, avant que ça soit de l'autopromo, que le groupe sera en concert à Lille samedi, Paul Homme et Sud après, 4 octobre. Voilà. Ouais, c'est vrai, merde, j'ai pas encore mis sur Spunk. Ah, mais c'est pas encore. C'est normal, c'est parce que t'as pas encore le Flyers. Ah ouais. Eh ouais. Non, mais je crois que j'ai vu passer quelque part l'information. Mmh. Non? Si. Ou alors on me l'a dit peut-être. On te l'a dit peut-être. Ouais. C'est ça. Ça éveille un vague souvenir dans mon cerveau embiré. Bon, Game Show, c'est les pieds sous terre. Ah, c'est le petit moment rock'n'roll. Ah, c'est beau, hein. Ouais. C'est très bien, Clem Choice, franchement. Oui. Ils vont jouer avec Violence Banalisée Je sais pas, j'ai pas vu le flyer. Il y en a qu'un, c'est un flyer. Mon cher Jamo, pour votre dernière session, que nous dites-vous? Alors, je vais dire que je vais vous passer ça un va truc chier, moi, plus vous... conventionnel irlandais, avec de la musique traditionnelle, on va dire. Ouais, bien. Mr. Irish Bastard. Ah, c'est vrai que c'est traditionnel. Non. The Irishman, et c'est issu de l'album Battle Songs of the Damned. J'en vois. Ouais, tu peux. I will never beg, and I will never bow. And even when I'm dead and gone, I'll walk among you all. And from my grave, the strings I pull to bring revenge to all. The rise and fall of fellow Danny Green. Broken jaw, eyes set fire to it all. Watch me rise and watch me fall. I'm the Irishman. Shamrock and a broken jaw, eyes set fire to it all. Kill the Irishman, kill the Irishman. I am the Irishman. We are the Irishman. We are the kings without the crown. I am the Irishman. We are the Irishman. And you'll never keep us down. No blacks, no dogs, no Irish. And I'll break your neck and watch you die. If I am a he, you say no Irish need apply. No Irish need apply. And one last time in death I rise. And in life you fall. Your justice, just revenge for all. I have no axe to grind, and I'm not hard to find. I'm over here with the Celtic Club. Come and get me, the Celtic Club. Shamrock and a broken jaw, I set fire to it all. Watch me rise and watch me fall. I'm the Irishman. Shamrock and a broken jaw, I set fire to it all. We are the Irishman. We are the kings without the crown. I am the Irishman. We are the Irishman. And you'll never keep us down. No blacks, no dogs, no Irish. And I'll break your neck and watch you die. If I am a he, you say no Irish need apply. No Irish need apply. Ça ne, on peut pas faire plus irlandais, hein, là, franchement. Ah, là, sur le coup. C'était un des derniers titres, l'avant-dernier titre de ce Pyongyang City Rockers numéro 406. J'ai complètement oublié d'annoncer que ton micro, il marche, Joe ? Ouais. Je sais pas. Oui, si. Non, il marche pas, il fonctionne. J'ai complètement oublié d'annoncer que vendredi, à l'Anamorphose à FIV, on pourra revoir la belle tête de Aaron Comet Bus qui viendra pour parler de son dernier bouquin qui s'appelle Are You, je sais plus comment. Enfin, il parle de pourquoi il a fait une enquête sur pourquoi que les labels punk et tout ça et underground et ben ils finissent par disparaître ou enfin par ne pas avoir de succès. Bon, c'est apparemment c'est un point de vue assez américain, mais c'est Comet Bus, il écrit bien, il est traduit en français, il aura des bouquins à lui et puis on pourra discuter avec, ça sera à l'Anamorphose vendredi à partir de 17h, l'Anamorphose se trouve ça a changé d'heure, je crois. L'Anamorphose se trouve à 18h maintenant. Bon, bah, on s'en fout. Non, ils ouvrent l'Anamorphose à partir de 17h, mais. Il reste quasiment plus de temps. Donc 18 ou 17, allez. Ça ouvre à partir de 17, mais voilà. Ça commence à partir à 18. Et bah, tu boiras une bière. Et puis, donc, c'est l'Anamorphose se trouvant 48 rue du Long Pot. Le métro, c'est FIV. Et après, vous allez un petit peu derrière, là, chez Bon. Hein, vous avez 300 mètres à faire. Et vous y êtes. On se quitte avec un petit titre de Cream Shrine. Pourquoi ? Bah, parce que c'était le batteur de Cream Shrine dans les années 80. Et puis, ouais, bah voilà, d'ailleurs, les v'là. Tac. Et ouais. Et puis, il nous reste 53 secondes pour dire au revoir. Continuez d'écouter. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Teeth Grinder avec le beau JD. Et puis après, il y aura plein d'autres bonnes émissions en campus 11,6. On se retrouve la semaine prochaine pour Pyongyang City Rockers numéro 407. Et on n'oublie pas. Caca. But I know I've gotta move on, 'cause I can't stay still like you. So tired of picking up the pieces, but from a mistake in the past, are you sick of hiding from your future? But then every day look into your life, each day your life's fucked up. You get nothing but bad luck. Think I'm trying, and if you're not trying, then you're ready to give up. Keep on pumping together, one of the two, what you just. This is better than you ever can. Radio Campus Lille, 21h.